Il y a un sérieux sentiment de culpabilité qui persiste chez beaucoup d'anciens combattants. Ceux qui, au niveau des organisations d'anciens combattants, je parle des associations en particulier, dans la mesure où elles refusent encore de parler de tout ça, c'est que individuellement, on sent qu'il y a enfermé en eux des choses dont ils ne veulent pas parler parce qu'ils se sont responsables de l'échec de l'armée française. Qu'en fait, il y a eu un échec, et ce que j'ai ressenti chez un certain nombre d'anciens combattants, c'est cette notion d'échec. On nous a envoyés là-bas pour rétablir l'ordre, puis en fin de compte, non seulement on ne l'a pas rétabli, mais en plus, ceux qu'on était censés aller défendre, on les a évacués vite fait en 1962 dans des bateaux entiers, sans même que. Etc. Donc ils se sentent vachement coupables de cela. Coupables, responsables de cela, malgré tout. Ils ne le disent pas comme ça, mais moi je l'analyse comme ça, comme étant une responsabilité collective de cette génération. Et c'est en cela, je dis, il faut crever l'abcès de ce silence. Car tous ces jeunes soldats qui se sentent, anciens soldats, pardon, qui se sentent responsables encore aujourd'hui au point qu'ils ne veulent pas qu'on en parle, ils sont vachement victimes, ils ont été drôlement victimes, et ils le sont encore, du fait que l'État continue à se taire. Je vais jusque-là, mais là, ça c'est hors de mon livre, enfin je crois que c'est perçu quand même à travers certaines lignes, mais c'est vrai qu'il y a là une responsabilité très forte qui reste. On a perdu cette guerre, l'estime, on l'a perdu, on n'a pas rétabli l'ordre. Les politiques nous ont lâchés, car c'est ça après, c'est que les militaires disent. Mais ils l'avaient déjà, les officiers ou sous-officiers, surtout sous-officiers, ce sentiment d'avoir été trahis par le politique. Moi, j'avais des conversations, des types bien, d'officiers là-bas, mais en 40, on a perdu à cause du politique, en Indochine, on a perdu à cause du politique, à chaque fois, on nous dit, bon, vous vous battez, mais il faut arrêter, parce que, c'est parce que les décisions politiques sont mauvaises, si elles étaient bonnes, on ne perdrait pas, et en plus, en Algérie, on nous dit de maintenir l'ordre, comment on va s'en sortir, mais alors cette fois on veut dire, ça on ne nous renverra pas tant qu'on n'aura pas vaincu. C'était ça le discours de beaucoup, c'est qu'ils étaient porteurs déjà d'échecs de l'Indo, certains pour les plus âgés de la guerre de 40, tous les moyens étaient bons pour vaincre le FLN, tous les moyens étaient bons. Les employer, ces moyens. La responsabilité forte qu'ils ont eue, c'est d'y avoir mêlé des jeunes de contingent. Car mon livre, c'est pas tellement d'analyser le comportement des services secrets ou des services de la propagande militaire qui, eux, sont armés pour faire la torture. C'est d'avoir laissé des milliers de jeunes du contingent passer à l'acte. Ça, c'est de la responsabilité à la fois du politique, mais aussi des militaires de carrière. Enfin, comme ça. Mais oui, parce que le fait de parler, si aujourd'hui si aujourd'hui la parole se libérait, est-ce qu'on pourrait. Je veux dire, ça tiendrait plus les bienfaits de la colonisation, ce genre de thème qu'on nous resserre aujourd'hui en travestissant. C'est bien pour ça qu'on ne veut pas en parler. Non. Et le fait de ne pas en parler, ça permet encore de manipuler l'histoire, de manipuler les faits. On dira, mais regardez, on a construit des villes, on a construit des routes, on a construit. Mais les inégalités, la torture, etc., les exactions, ça. Vous avez raison, oui, dans une certaine mesure, on n'en parle pas parce qu'il n'y a rien. Vous savez, dans les débats qu'il y a eu sur. si vous vous rappelez, la fameuse loi de février 2005 sur la reconnaissance dans les livres scolaires. Ouais. Des bienfaits de la colonisation. Oui, tout à fait. On regarde comment cette affaire est arrivée. C'est arrivé effectivement par le fait qu'on voulait reconnaître que par des monuments que les anciens colonisateurs ils avaient été quand même porteurs d'humanisme et de bienfaits. Individuellement, certains ont fait du bon boulot, mais le problème n'était pas là. Le problème était que politiquement, on reconnaissait qu'effectivement la colonisation était un bienfait. Mais quand on regarde la manière de la chronologie de cette loi et la manière dont elle a été dénoncée, l'article 4 de cette loi, c'est pas les politiques, y compris de gauche, qui l'ont pas dénoncé, ce sont les historiens, et puis les gens de l'outre-mer. C'est d'abord les historiens qui se sont souvent de quoi se mêle le politique, de nous dire ce que nous, on doit enseigner aux enfants, c'est quand même pas aux politiques. Bon, et puis après, il y a les gens des anciens, même esclaves, enfin, au niveau des générations, des colonies qui ont réagi, hein, et ce n'est qu'après. Les gens de gauche, et notamment du peuple. Parce que moi, j'ai lu les comptes rendus de débat à l'Assemblée nationale sur le fait de vouloir élever des monuments à la gloire, etc. Et ensuite, cet article-là, ça a commencé en juillet 2004, les débats. Personne ne condamne les actions en Algérie, ni quoi que ce soit, ou ailleurs. Personne, y compris les socialistes, ils votent tous, février. Ils ont tous voté, ou ils se sont abstenus, mais ils n'ont pas été contre. Hein. Et ce n'est qu'après, parce qu'il y a eu de ces réactions des profs en Irak, qu'en novembre, le PS a déposé un amendement et que Chirac a été d'accord, etc. Mais au départ, non. C'était pas du tout dans le débat, on laissait faire. Oui, bon, l'article 4, il a été voté en février 2005. C'était ahurissant. Le politique, là encore, a failli. A complètement failli. Voilà.